Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le magicien Houdini, le roi de l'évasion. Houdini devient ami et frère ennemi, au fond, avec Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Alors, croyez-le ou non, Arthur Conan Doyle, le créateur de ce parangon de rationalité qui était Sherlock Holmes, était lui-même un fervent spiritualiste. Hein? Tellement que Conan Doyle croyait que Houdini avait de véritables pouvoirs, mais qu'il ne voulait pas l'avouer. Cette anecdote que raconte le professeur et auteur Normand Baillargeon à l'émission « Vous êtes ici » en 2008 est très révélatrice. La fascination que suscite le grand Houdini avec ses tours de magie. Houdini reste aujourd'hui encore probablement l'un des plus grands magiciens de l'histoire. Son nom est d'ailleurs connu d'à peu près tout le monde, amateur de magie ou non. Mesdames et messieurs, le grand Houdini s'échappera de cette malle en ayant les mains attachées avec des menottes. By these handcuffs. Yeah. His handcuffs. Ouais, ces menottes. C'est truqué. Fake. Well, if I had a pair of cuffs from these premises. Eh bien, si mes menottes étaient telles que vous le dites, je. Maintenant, vas-y. Never mind the trunk. Laisse faire le coffre. Montre-nous comment tu vas te libérer. Let's see you get out of these. You mean like this? Vous voulez dire comme cela? Oh, but damn. C'est incroyable. C'est un extrait de la mini-série Houdini diffusée sur la chaîne History en 2014 que vous venez d'entendre. Pour nous parler du grand Houdini, je reçois le magicien québécois Alain Choquette. Alain Choquette, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Alors, Alain Choquette, plus de 100 ans après sa mort, ce nom-là, le nom d'Houdini, reste l'un des noms de magiciens les plus connus dans le monde. Qu'on s'intéresse ou pas à la magie, je le disais il y a un instant, mais tout le monde connaît Houdini. Pourquoi? Houdini a été une des premières vedettes internationales dans le monde de la magie et c'était aussi un précurseur. Il y avait une façon à lui de faire parler de ses prestations, de sa présence dans une ville. Il y avait une grande notion, une grande créativité au niveau de la mise en marché et c'est pour ça que même aujourd'hui, Houdini est encore présent et le mythe continue malgré tout, malgré ça fait des années qu'il est parti. Là. Ouais. Et quelle importance sur le pur plan de la magie au fond, pour quelqu'un comme vous, qui êtes magicien, quelle importance il a eu dans le monde de la magie? Bien, moi, il m'a inspiré de deux façons. Un, trouver une façon de faire parler de soi pour amener les gens dans les théâtres. Ça, c'était ma première notion que je retiens. Étant très jeune, moi, j'ai voulu passer à la télé pour me faire connaître et pour pouvoir vendre mes spectacles. Et c'était ce qu'Houdini faisait dans chacune des villes où il passait. Par contre, c'était par les journaux qui faisaient parler de lui. Et aussi, sa façon sur scène qu'il avait de rentrer en contact avec le public. Ça, ce que j'ai vu, moi, les clips que j'ai vus et ce que j'ai lu sur lui, c'était sa force. Et moi, j'ai travaillé beaucoup ça au long de ma carrière. Donc, ça a été les deux formes d'influence que je retiens d'Houdini. Ouais. Parle-moi un petit peu, parce que c'est un incontournable, Houdini. Et votre public connaît, qui aime la magie, qui va voir vos spectacles. Une partie de votre public, en tout cas, se passionne pour Houdini. Puis, il y a un jour, quelqu'un, une spectatrice, en fait, qui vous a remis un livre d'Houdini. Ah, c'est toute une histoire, ça, M. Beauchamp. Écoutez, je joue à Belle-Oeil dans un théâtre et je reçois un appel la veille. C'est une dame âgée qui me dit « Monsieur Choquette, je sais que vous allez venir au théâtre. C'est à côté de chez moi. Voulez-vous venir me voir? J'ai quelque chose pour vous. » Bon, ben, j'ai dit « Ben oui, ça va me faire plaisir, tout ça. » Fait que je vais chez elle, on s'assoit à la table, on prend un thé, elle me remet une boîte et elle dit « Vous ouvrirez ça chez vous. » Ce soir, quand vous arriverez à la maison. Fait que parfait, j'arrive à la maison, après le spectacle, j'ouvre la boîte. Et c'est un livre qu'Houdini a écrit dans les années 20, qui s'appelle « Miracle Mongers and Their Methods ». Donc, c'est un livre où lui parlait des médiums et des gens qui contactaient les esprits. Et ce livre-là, bon, je le connais, c'est quand même un livre, c'est pas rare, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, il était dédicacé de sa main, et aussi il y avait des notes que lui, il avait coché des trucs, il avait coché des paragraphes, il avait mis des précisions. Donc, c'était sa copie à lui qui avait remis à la dame, qui était sa grand-mère à l'époque, la grand-mère de la dame qui m'a donné le livre, pour l'anniversaire de son frère. Alors, finalement, ce livre-là, il est chez nous et c'est un objet que juste savoir qu'Houdini l'a eu dans ses mains et qu'il l'a lu et qu'il l'a travaillé, ça me fait vibrer à chaque fois que je regarde. C'est assez formidable. Il y a un petit morceau d'Houdini chez vous, ouais, Alain Choquette. Petite affaire. Ouais. Parlons un petit peu de ses origines, d'où il part. C'est pas son vrai nom. Houdini s'appelle Heinrich Weiss. C'est quelqu'un qui est né en Hongrie en 1874. Mm-hmm. Il va finir par immigrer avec toute sa famille aux États-Unis en 1878. Pourquoi il choisit ce nom-là, le nom de Harry Houdini, quand il commence à faire de la magie? Houdini s'est inspiré beaucoup d'un magicien français qui s'appelait Robert Houdin, qui lui, les Français disent que c'est l'inventeur de la magie moderne, donc lui a un peu révolutionné la magie à l'époque. On s'en va au 19e siècle, là. Et ça l'a beaucoup inspiré Houdini. Donc, il a pris le nom de Robert Houdin pour en faire Houdini. Donc, c'est directement inspiré de ce magicien-là. Ouais. Puis ce qui est cocasse, c'est qu'il va plus tard écrire un livre sur Houdin dans lequel il s'attaque un peu à... Enfin, dans lequel il l'écorche un peu, disons ça comme ça. Ouais, bien, Houdini écorchait tout le monde. C'était une façon aussi de faire parler de lui et tout ce qu'il a écrit au niveau des médiums et du spiritisme aussi, ou des gens qui avaient des dons, des pouvoirs, bien, ça fait partie de sa quête tout au long de sa carrière. Bon, alors parlons des débuts dans la magie d'Houdini. Comment il en vient, Houdini, à faire de la magie à la Choquette? Bien, au départ, Houdini n'avait pas son propre spectacle. Il a fait partie d'un vaudeville. Une grande partie de sa carrière, c'est juste dans les dernières années de sa vie qu'il a eu son propre, là, qu'on peut dire, one-man show, là. Mais il se promenait de ville en ville avec une troupe de spectacle où lui était l'artiste principal. Et à chaque fois qu'il arrivait dans une ville, bien, il exécutait toujours quelque chose d'exceptionnel pour faire parler de lui. Et Houdini disait qu'il était l'homme qui pouvait s'évader de n'importe quel endroit. Et c'est ça qui attirait les gens. À Montréal, d'ailleurs, il est venu ici à 3 reprises. Et il a fait 2 trucs. Entre autres, on l'a lancé dans le canal La Chine, menotté. Ah bon? Et il a réussi à se sortir de ses menottes. Et plus tard, il y a la compagnie d'or qui fabriquait la bière à l'époque, qui l'avait défié de se libérer d'un baril de bière. Donc, c'était en même temps une bonne publicité pour Houdini et en même temps une bonne pub pour Dard. Il y a certains de ces numéros qui vont devenir vraiment célèbres, qui vont faire école. On écoute à ce propos l'animateur Michel Desautels qui commente avec son invité, le prestidigitateur et homme d'affaires Guy Camiran, la décision du Houdini Historical Center de présenter une exposition dans laquelle va être dévoilé le secret de l'un de ses numéros les plus connus. Ça se passe en 2004. Extrait donc de l'émission Desautels du 7 janvier 2004. Alors, au sujet de ce tour... rendu célèbre par Houdini, mais qui n'aurait peut-être pas créé, où un personnage dans une boîte est remplacé presque instantanément par un autre qui est debout à ses côtés. C'est un tour donc qu'il a promené à travers le monde, qui est repris par d'autres encore aujourd'hui. C'est ça qu'on veut faire, qu'on veut éventer. Il y a une part de magie, une part de mécanique. D'abord, vous savez comment il fonctionne, vous, ce tour? Mais il y a différentes façons de le faire, mais la façon la plus classique, c'est celle qui est annoncée dans le journal, là, qui disait que oui, c'était une boîte. OK, il y avait un passage secret qui était invisible aux spectateurs et qu'on pouvait sortir rapidement de la boîte. En fait, faut l'essayer. Si on regarde la grandeur, c'est de la grandeur d'une malle de transport. Oui, c'est pas énorme, ça. Hein? C'est pas très gros. Alors, vous êtes assez confiné et d'en sortir, c'est déjà. Ça faut être un bon constructionniste, d'une part, pour le faire dans ces grosseurs de boîtes-là. Je pourrais en parler aussi avec M. Choquette, Alain Choquette, qui fait ce genre de tour-là. Ouais. En sortir et rapidement, et puis rapidement. Que ça ait l'air naturel. Tout ça. Alors, le vrai secret, c'est pas la mécanique de la boîte. C'est une fois que vous avez décidé d'une des mécaniques à utiliser, c'est d'être capable d'en sortir rapidement et de faire ça en moins d'une seconde. Et c'est là le vrai secret. Ça, oui. Ça peut prendre plus d'un an à réussir ce tour de force-là. Alors, Alain Choquette, Guy Camiran suggérait à Michel Desautels de vous demander de nous parler de ce que ça veut dire en termes d'exigence physique, les numéros d'Houdini. Ça tombe bien, vous êtes avec nous. Parlez-nous un petit peu de ça. Ces numéros célèbres, qu'est-ce que c'était? Puis effectivement, qu'est-ce que ça demande comme habileté? Qu'est-ce que ça exige physiquement, les numéros d'Houdini? Mais en fait, j'en profite pour saluer Guy Camiran, qui a beaucoup fait pour la magie ici au Québec. En fait, il a tout dit, mais il n'a rien dit. le numéro d'Houdini était un numéro d'évasion et en même temps un numéro où il changeait de place, d'endroit avec sa compagne, sa partenaire de scène. Alors, juste pour expliquer aux gens, parce que c'était pas clair ce que Guy disait, il y a une boîte sur la scène. Sa partenaire est mise dans un sac avec des menottes. On attache le sac, on met ça dans la boîte, on met le couvercle de la boîte par-dessus. Par la suite, Houdini, le magicien, monte sur la boîte avec un tissu qui va recouvrir la boîte et lui-même. Et en lançant le tissu dans les airs, il va retomber. On découvre la malle. Maintenant, c'est sa partenaire qui est sur le dessus de la boîte et lui se retrouve dans le sac avec les menottes. Alors, là, si on retourne au début du 20e siècle, c'était extrêmement ingénieux. Aujourd'hui, ça devient un peu démodé parce que les magiciens, on a beaucoup travaillé au niveau de la créativité, au niveau des méthodes, au niveau des façons de faire. Moi, si je prends ce truc-là, qui m'a inspiré, qui était un des premiers trucs que j'ai fait à l'époque où je travaillais dans un cinéma, dans un théâtre à Sainte-Adèle, entre deux films, et je faisais ce numéro-là. J'avais pas une partenaire, mais j'avais un partenaire qui était un clown. Oui. Alors, je changeais de place avec le clown. Alors, moi, ça m'a amené à un numéro que j'ai créé où 12 personnes du public sont choisies au hasard dans le théâtre, montent sur une plateforme, disparaissent et réapparaissent dans le fond du théâtre. Oui. Donc, l'idée d'Houdini, qui était plus simple, je l'ai travaillée pendant des mois et des mois pour en faire un numéro plus moderne, plus nouveau et plus spectaculaire. Mais ça veut dire quoi comme... En fait, ce que Guy Camiran disait, c'est qu'une des astuces du numéro, c'est la rapidité avec laquelle la transformation se fait. Oui, il y a des magiciens qui le font encore beaucoup plus vite qu'Houdini le faisait à l'époque, parce qu'à l'époque, bon, c'était un peu plus lent. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont quasiment des athlètes et qui exécutent ce numéro-là en une fraction de seconde, mais effectivement, le niveau de rapidité, parce que ça reste, c'est un corps qui se déplace, c'est pas une pièce de monnaie qui se déplace d'une main à l'autre, là, ouais. C'est deux corps qui changent d'endroit. Et qui partent d'un espace très restreint, là. D'un lieu fermé. Ouais. D'un lieu complètement fermé, dans un sac, avec des menottes, avec... c'est tout petit. Et non, c'était très, très spectaculaire, ça. Mais aujourd'hui, j'ai vu des gens, moi, au long de ma carrière, qui ont repris ce tour-là avec une vitesse inimaginable, là. C'est 5-6 fois plus rapide qu'Houdini le faisait à l'époque. Ouais. Mais on a travaillé la méthode, on l'a peaufiné. Alors, c'est ce qui fait qu'on peut sauver des secondes. Mais est-ce qu'il faut être un peu athlète, contorsionniste pour faire ce numéro-là? Dans certains cas, oui. Les magiciens ne sont pas nécessairement les plus athlétiques que j'ai vus dans ma carrière, mais effectivement, il y a des numéros qui demandent une très grande souplesse. Mais souvent, là, ce que je vais divulguer, c'est que le gros du travail n'est pas fait par le magicien, il est plutôt fait par sa partenaire. D'accord. La partenaire, j'ai eu une partenaire pendant plusieurs années qui était à la base acrobate, qui était cascadeuse et qui était continuellement chez le chiro, là. Parce qu'elle avait mal partout. Ouais. On parlait il y a quelques minutes de ce livre que vous a donné, un livre signé Houdini, que vous a donné cette dame de Belœil, livre dans lequel il parlait de spiritisme. Parlons-en de ça, parce que ça a été une croisade pour lui, vraiment. Il va à un moment donné se lancer dans une bataille contre ceux qu'il considère être des charlatans. On en parle dans un instant ensemble, Alain Choquette, mais on écoute d'abord à ce propos-là le professeur Normand Baillargeon à l'émission Vous êtes ici en 2008. Il admet lui-même que ce qu'il fait, c'est de la magie, donc il y a des trucs. Mais ce qu'il découvre, c'est que ces gens-là utilisent des trucs et ne le disent pas et trompent les gens. Alors, Houdini rentre en combat contre le spiritualisme. Comment il mène ce combat? Il fait toutes sortes de choses assez extraordinaires. La première, c'est qu'il dévoile les trucs de ces gens-là. Alors, il va parfois incognito se déguiser aller rencontrer un médium, assister à la séance, et quand il va avoir découvert comment la personne procède pour opérer ses effets, pour produire ses effets, Houdini va se lever, enlever son déguisement et dire « Je suis le grand Houdini et je vous accuse de supercherie », tu vois. Et comme il connaît les trucs, il découvre toujours les trucs que les gens font. Il va aussi, et les gens qui combattent le charlatanisme aujourd'hui sont souvent des magiciens qui procèdent de même. Houdini va lancer des défis. « Produisez un effet que je ne suis pas capable de reproduire et je vous donne X milliers de dollars », tu vois. Il va aussi faire des spectacles durant lesquels, avant son show de magie, qui est la deuxième partie de son spectacle, il va dans la première partie montrer sur scène comment procèdent les spiritualistes. Alors, il va reproduire les effets que produisent ces gens-là. Et il le fait d'une manière extraordinairement spectaculaire. Alors, qu'est-ce qui pousse Houdini, Alain Choquette, à se lancer dans cette croisade-là contre ceux qu'il qualifie de charlatans? Mais en fait, c'est suite au décès de sa mère qu'il souhaitait communiquer avec elle et rentrer en contact. Donc, il a approché des médiums qui, eux, disaient qu'il avait la possibilité de pouvoir parler à des personnes décédées. Et c'est là qu'il s'est aperçu que c'était rempli de trucages et de fausseté. Donc, lui a cherché à divulguer les trucs et les secrets de ces gens-là pour pas que d'autres comme lui se fassent avoir. Par la même... Mais même si lui a eu un combat contre ces gens-là, il y en a qui croient encore à ça aujourd'hui. Il y a des médiums, il y a des gens qui vont lire l'avenir, il y a des... qui vont ressentir des choses. Moi, je me rappelle quand j'étais petit gars, j'allais au Salon des sciences occultes, pas si longtemps que ça, là, ouais. Et il y avait plein de personnes qui disaient avoir des pouvoirs. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on y croit de moins en moins, mais c'est récent. Et lui, ça a été un combat tout au long de sa vie de vraiment dévoiler les secrets de ces charlatans-là. Ouais, avec des livres, avec des articles qu'il publie sur ce sujet-là, puis on l'entendait avec Normand Baillargeon en se pointant carrément là, dans des séances pour démasquer ceux qui les dirigent. Bien sûr, et je vous arrête parce que ce que je ne savais pas, ce que j'ai entendu, c'est que lui voulait donner de l'argent à des gens qui pouvaient... exécuter un phénomène inexplicable. Et il y a encore une association des sceptiques qui accepte de donner un montant d'argent à des gens qui pourront exécuter un phénomène inexplicable. Et ils n'ont jamais donné aucun sou. Là. Ouais. On reste, au fond, sur ce thème-là avec une espèce d'ambiguïté, une drôle d'amitié. On écoutait au tout début de l'émission Normand Baillargeon parler de la fascination que va nourrir pour Houdini le père de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Vous allez voir, en fait, ils vont devenir amis. On écoute l'animateur de l'émission Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand, raconter cette histoire-là à l'antenne d'Europe 1 en janvier 2021. Et au moment où il se lance donc en 1920 dans une série de spectacles au Royaume-Uni, un certain nombre de personnalités anglaises, britanniques devrais-je dire, reçoivent un livre qu'il a écrit, qu'il leur adresse. C'est une bonne manière de faire connaître son arrivée en Angleterre et éventuellement d'aller au-devant d'un certain nombre de rencontres. Et parmi ceux qui reçoivent ce petit cadeau littéraire, un écrivain célèbre, Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. L'auteur, so british, qu'il faut imaginer avec sa fameuse moustache, son air distingué, vous savez, c'est un monsieur qui a maintenant largement la soixantaine. Il va regarder cet envoi avec amusement, il va lire l'ouvrage d'Houdini, il le reconnaît peut-être pas forcément pour ses qualités littéraires, mais en tout cas à cause d'une critique du magicien à l'encontre de célèbres spirites américains. Il faut vous dire que l'auteur de Sherlock Holmes est extrêmement investi dans le spiritisme qu'il défend avec passion. Conan Doyle a été affecté, a été vexé par la prise de position d'Houdini. Il décide de lui écrire et sans doute que le magicien est flatté qu'un grand homme de lettres prenne la peine de lui écrire. Dès lors, pas question d'entrer dans la polémique avec Conan Doyle. Houdini fait tout pour arrondir les angles. Il se montre très aimable et même légèrement obséquieux dans ses réponses. Tout ça fonctionne et bientôt, une rencontre est organisée. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est donc par le spiritisme que Houdini déplore et que Doyle admire, dont il est entiché, que ces deux-là vont entrer en contact. Quel genre de rapport, d'amitié ça va donner? Bien, je pense qu'ils vont devenir de bons amis, mais moi, ce que j'ai lu là-dessus, c'est que ça faisait un peu partie du marketing de Dini au niveau de se faire connaître en Angleterre. Je ne sais pas, la vraie vérité de ça, mais si on lit entre les lignes, le fait de faire parler de cette rencontre-là, mais on va faire parler d'Houdini. Par conséquent, et ça va lui aider à se faire connaître en Angleterre. Oui. Mais la relation était très bonne malgré tout, et je pense que je ne sais pas comment Doyle a terminé sa croyance au niveau du spiritisme, s'il a réussi à être convaincu que c'était faux, mais ce que je comprends, c'est qu'au niveau de la mise en marché, c'était un bon coup. Oui. Il meurt en 1926 au Dini, et même autour de sa mort, donc il y a toutes sortes de choses qui ont été dites, toutes sortes de rumeurs qui ont circulé. Avec le recul, qu'est-ce qu'on peut dire des circonstances qui entourent sa mort, justement? Écoutez, on a un peu de nous dans la mort d'Houdini. Houdini est venu trois fois à Montréal, dans trois occasions. Une fois avec une troupe de vaudeville où il jouait dans un théâtre qui s'appelle l'Orpheum, qui n'existe plus. 1915, 1925, il est venu au Théâtre Impérial, qui était quand même un théâtre de 2300 sièges à l'époque. Et en 1926, il a joué aux Princesses, qui est devenu le cinéma parisien par la suite, et lui donnait des séminaires, des conférences, des lectures sur le spiritisme. Et il s'était rendu en après-midi à l'Université McGill, et il avait cette réputation de pouvoir recevoir un coup dans l'estomac et de se durcir les abdos, et qu'il ressentait rien. Alors là, il y a un étudiant qui s'appelait Gordon Whitehead qui lui a donné un coup juste avant la conférence dans le ventre sans qu'il ait le temps de se contracter. Et ça a créé une blessure, une rupture d'appendice, et qui va l'amener à sa mort à Détroit après un spectacle le soir de l'Halloween, le 31 octobre, donc quelques jours plus tard. Donc, il y a un peu de nous, malheureusement, dans le décès d'Houdini. Oui. On termine cette émission en parlant un petit peu de ce qui reste de cette figure d'Houdini dans le monde de la magie. Alain Choquette, je ne sais pas s'il y a, par exemple, quelqu'un qui s'impose comme celui qui pourrait être l'équivalent de ce qu'a été à son époque Houdini. Sans aucun doute, David Copperfield va être, à mon avis, le plus grand. Et si on regarde un peu la façon dont il a approché sa carrière, eh bien, Houdini, il y a comme une similitude. Copperfield s'est fait connaître un peu par le cinéma, par la télé, mais le jour où on a reconnu ce magicien, c'est quand il a fait disparaître la Statue de la Liberté. Mm-hmm. Alors, ce numéro-là, pour lui, était l'équivalent des numéros d'évasion que Houdini faisait dans chacune des villes. Donc, c'était un peu le même principe. Beaucoup de marketing, beaucoup de mise en marché, et Copperfield a repris aussi certains numéros d'Houdini, encore plus moderne, plus rapide, et il est, à mon avis, le nouveau Houdini de notre époque, et il va l'être pour longtemps. Mmh. Alain Choquette, je rappelle que vous êtes vous-même magicien. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'était un bonheur de vous recevoir à cette émission. Merci, M. Beauchamp, et au plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.